L'idiote par Judith Cauchois Lemaire. La Normandie est mon Eldorado. Je l'ai parcouru en tous sens et en toute saison. Une de mes proches parentes y possède un modeste domaine admirablement situé à mi-côte, près de la petite ville de B. L'habitation, cachée au milieu des bois, domine une charmante vallée au fond de laquelle serpente capricieusement la Risle, la plus coquette petite rivière qu'on puisse voir. Tantôt se jouant sur le pré qu'elle arrose, tantôt cachée sous des berceaux fleuris, puis s'échappant en écume furieuse d'une roue qui la fustige ou d'une écluse qui la retient. Ce pittoresque ermitage était mon oasis. Je venais m'y reposer de mes courses vagabondes. Sites, événements, figures, tout ce qui tient à cette époque est resté ineffaçable dans ma mémoire. Le temps, en projetant son ombre sur ces souvenirs déjà plus vieux que je ne voudrais, les apparaît de je ne sais quel charme poétique, sans noter rien à leur vivacité. Madame Devange ne quittait en aucune saison sa tranquille solitude. Je passais une partie de l'année auprès d'elle. C'était une femme douce et sérieuse, d'un esprit agréable, d'un caractère calme et élevé. Un attachement contrarié l'ayant pendant longtemps éloignée de toute idée de mariage, elle avait cédé assez tard au désir de son père, en épousant un homme honorable, d'un âge mûr, déjà veuf, père d'une petite fille, et qui la laissa veuve à son tour après l'avoir rendue mère. Elle n'eut pas moins de tendresse et de sollicitude pour la fille de son mari que pour la sienne propre. La pauvre enfant avait besoin de ses soins vigilants et tendres. La nature l'avait déshéritée. Louise était privée d'intelligence. On ne pouvait la voir sans être émue d'une douloureuse pitié. Languissante et triste, elle eût été admirablement belle si un rayon de l'âme eût éclairé son pâle visage. Mais l'immobilité de ses traits, l'incertitude de ses mouvements, la fixité de son regard, tout décelait un idiotisme dont n'avaient pu triompher ni les efforts de l'art, ni ceux d'une inépuisable patience. Elle avait 17 ans, et son état semblait désormais incurable. Dans les divers séjours que je fis auprès de Madame Devange, j'assistais avec une curiosité philosophique aux instructions simples et ingénieuses qu'elle ne se lassait pas de donner à Louise. Il était impossible de diriger, de cultiver avec plus de discernement des instincts si bornés, de mettre mieux à profit les faibles lueurs qui éclairaient cet esprit débile. Par les soins assidus de sa belle-mère, la triste enfant avait appris, non sans peine, à faire quelques ouvrages à l'aiguille. Elle était même parvenue à savoir lire, ce qui ne lui servait guère qu'à suivre les offices. Elle assemblait machinalement des mots, dont le plus souvent elle ne comprenait pas le sens, et répondait à peine quand on l'interrogeait, joignant presque toujours au peu de mots qui lui échappaient un mélancolique sourire que parfois on ne put croire intelligent. Le timbre de sa voix était d'une douceur ravissante. Je ne crois pas en avoir entendu de plus frais et qui me remua plus profondément. La faiblesse de sa constitution communiquait sans doute à sa voix cette émotion nerveuse qui la rendait si touchante. Elle retenait aisément et répétait les airs qu'elle entendait chanter. Mais on avait inutilement essayé de lui apprendre la musique. Quelquefois, cependant, et comme par hasard, en promenant ses doigts sur un clavier, elle trouvait des accords d'une harmonie étrange. Son humeur était douce et égale, parce que toute chose lui était indifférente. Mais l'attention et les efforts de Madame Devange n'avaient pu faire naître ni saisir un éclair de sensibilité. Louise recevait ses caresses sans les lui rendre et l'appelait mère chérie, parce qu'on le lui avait appris, sans prêter à ce nom aucun sens affectueux. Docile et laborieuse, elle se livrait à des occupations tranquilles et régulières, et que chaque jour amenait avec une immuable monotonie. Depuis longtemps, on ne remarquait plus le moindre progrès. Ce faible esprit semblait arriver aux dernières limites de son développement. Un rayon de la lumière vivifiante, un souffle de l'amour créateur, en donnant la vie à son âme, eussent fait un ange de cette belle fille que les gens du pays avaient surnommée l'idiote. Madame Devange avait jugé convenable de lui faire contracter des habitudes religieuses. L'exactitude des pratiques, la dévotion extérieure, la seule qu'on pût enseigner à cette pauvre créature si incomplète, était du moins un devoir, et Louise le remplissait avec une sorte de ferveur. Elle trouvait d'ailleurs à l'église le seul plaisir qu'elle fut capable d'éprouver. La musique agissait avec une incroyable puissance sur sa frêle organisation. La première fois que nous eûmes occasion de le remarquer, nous en fûmes surpris et presque effrayés. C'était à Rouen. Une coïncidence fortuite, nous ayant amenés dans cette ville un jour de Pâques où il y avait grande solennité à la cathédrale. Madame Devange y conduisit Louise, à peine âgée de 15 ans, pour entendre la grand-messe. J'accompagnais ces dames. Louise parut peu frappée de la pompe extérieure, mais quand les orgues, touchés par une main habile, remplirent ces voûtes retentissantes de leur majestueuse harmonie, quand des voix puissantes et exercées vinrent mêler aux sons divers des instruments les mélodies austères du plein chant, cet enfant, en apparence insensible, fut soudainement enlevé à la terre. Ses yeux brillèrent d'un éclat inaccoutumé. Un cri s'échappa involontairement de sa poitrine, puis elle demeura comme anéantie. À voir alors ses paupières abaissées, son front pâle et qui ne trahissait aucune émotion, on eût dit que la vie venait d'abandonner son corps fragile et que durant l'heure de la contemplation, cette âme non révélée, se dégageant de son enveloppe terrestre, était sans effort remontée jusqu'au ciel. Depuis, Louise ne manqua jamais d'assister le dimanche à la grand-messe de la ville voisine, faute de mieux. Elle n'aimait rien, ni personne, mais la raison sans sécheresse et l'inaltérable douceur de sa belle-mère obtenaient en retour une confiance et une docilité absolue. C'était assurément ce que pouvait souhaiter de mieux Madame Devanges pour le présent. Toutefois, elle s'inquiétait pour l'avenir de cet enfant presque privé de raison, qui resterait un jour sans guide et sans appui. Les dispositions religieuses de Louise lui inspirèrent la pensée de la préparer à se choisir un asile dans quelque sainte maison consacrée à la prière. Pour encourager et diriger son zèle, un confesseur devenait indispensable. Le prêtre, le plus respectable des environs, fut investi de cette mission de confiance. L'abbé Raymond était un homme de 35 ans, d'un cœur droit et d'une piété sincère. L'austérité de ses mœurs, l'infatigable constance de sa charité, le faisait bénir et honorer de tous ceux qui l'approchaient. Son instruction étendue, son caractère digne et ferme, ses talents comme prédicateur, lui donnaient quelque influence dans le clergé. Il n'en usait que pour modérer les esprits imprudents qui poussaient à des mesures extrêmes, au risque de mettre la religion aux prises avec l'incrédulité publique. Personne mieux que lui ne pouvait s'acquitter du soin qui venait de lui être confié. Bien jeune encore, au premier jour de la restauration, il était parti comme missionnaire pour les colonies. À la vue des douleurs de l'esclavage, son cœur généreux s'émut profondément. Son âme s'embrasa du saint amour de l'humanité. Ses jours et ses veilles furent consacrés au soulagement de cette race opprimée, que l'avilissement et l'excès de ses maux livrent au désespoir et à la dépravation. Ange de consolation et d'espérance, sa voix ouvrit le ciel et le promit pour récompense à des malheureux courbés sous le poids de toutes les afflictions humaines. L'apôtre du Christ dissipait les ténèbres où ils étaient plongés. Il les relevait de leur abaissement en les plaçant sous le regard de Dieu. Il les moralisait par la révélation et la conscience, leur enseignait la soumission en leur annonçant la vie éternelle. Il était revenu depuis peu de son laborieux pèlerinage, accoutumé à se mesurer à ses natures incultes, à répandre la lumière avec réserve sur ses intelligences obscurcies, ne devait-il pas mieux qu'aucun autre préparer le développement de Louise? Ne dut-il pas se croire appelé providentiellement à dégager cette âme des entraves dont elle semblait parfois tout près de s'affranchir? Confiée aux ailes de M. Raymond, Louise montra bientôt pour tous ses devoirs de piété un empressement qu'on ne lui avait jamais vu pour rien. Elle se plaisait à en parler, elle ordinairement silencieuse et morne. Elle assistait avec une ponctualité rigoureuse à tous les offices, à toutes les prédications, et jamais ne manquait aux instructions que recevait un petit nombre de pénitentes zélées. À son retour, la pieuse enfant était comme animée du feu divin, et sa mère chérie recevait avec autant de surprise que de joie les épanchements de sa ferveur. Quand elle essayait, en tête à tête avec sa mère, d'exprimer sa sainte exaltation qui réveillait ses facultés engourdies, son œil devenait plus limpide, sa parole plus vibrante, plus suave encore que de coutume. Madame Devanges, l'embrassant alors avec effusion, s'écriait « Il y a quelque chose au fond de cette voix et de ce regard. L'âme cachée déchirera ses voiles. » L'abbé Raymond s'intéressait vivement à la tâche qu'il avait entreprise. Louise était l'objet habituel de ses méditations. Il passait de longues heures avec elle en présence de sa mère, et dans ses entretiens pleins d'une chaude et naïve éloquence, il cherchait à faire jaillir l'étincelle céleste si profondément cachée. Un jour qu'il avait été plus onctueux que de coutume, et que ses yeux perçant ceux de sa pénitente y interrogeaient son âme, un torrent de larmes lui répondit, et quelques mots entrecoupés lui apprirent que pour l'instant du moins, Louise avait eu la conscience d'elle-même et le sentiment de la vie morale. Dans sa pieuse joie, il prit les mains de l'enfant entre les siennes. « Ce n'est pas assez, ma fille, lui dit-il, de vous sentir et de vous connaître. Il faut rendre grâce au Dieu puissant et bon que j'ai invoqué pour vous, au nom duquel j'ai éveillé votre âme. Je vous apprendrai comment il veut être servi et honoré. Aimez-le d'abord et remercions-le ensemble. » Louise se mit à genoux et les yeux fixés sur le prêtre, laissa échapper ces mots de sa poitrine oppressée. « Oui, Dieu, quand vous parlez, je crois l'entendre. » Raymond continua. « Que sa pensée vous soit toujours présente, mon enfant. Dieu existe dans tout ce que vous voyez. C'est lui qui donne au ciel son éclat, au soleil sa chaleur, à la terre sa fécondité. C'est lui qui met au cœur des mères l'amour qu'elles répandent sur les petits-enfants. Il parle aux oiseaux de leur joli plumage. Il prodigue à vos fleurs les nuances et les parfums. Bénissez-le dans tout. » Ils se mirent à prier. De ce moment, Louise naquit à une vie nouvelle. Des sensations inconnues et confuses l'agitaient. Son inertie était vaincue. Le besoin de manifester son zèle lui communiquait une surprenante activité de corps et d'esprit. Les fleurs et les fruits de son petit jardin devinrent l'objet de sa constante sollicitude. Elle les soignait elle-même, les arrosait elle-même, puis elle courait emparer l'autel et les renouvelait chaque matin. Chaque matin aussi, l'église s'éclairait des petits cierges qu'elle brûlait à la Vierge, à son bon ange, au sein du jour. Le reste de son temps était consacré à l'accomplissement d'un long travail. C'était une étole surchargée de broderies destinée à l'abbé Raymond. Elle ne souffrait pas qu'une autre main que la sienne y fît un point, et courbée sur son métier, elle y se redemeurait tout le jour, si on ne l'en eût arrachée. Le matin, les premiers levés la trouvaient à l'ouvrage, où elle était depuis longtemps. Cette application ardente animait étrangement sa physionomie. Madame Devange, inquiète pour sa santé, fit intervenir le confesseur. Ses avis étaient la loi sacrée, Louise obéit. Elle donna plus de temps à la prière, à la méditation, et tout ce qui fermentait en elle, ne trouvant plus à se satisfaire par l'activité extérieure, servit au développement d'une exaltation plus dangereuse. Un soir, comme elle se promenait avec sa mère sur le coteau d'où l'on découvrait un riche horizon, sa figure s'embellit d'un sourire plein de charme. « Que le ciel est beau » s'écria-t-elle. « C'est là que nous verrons Dieu et son Fils et la Sainte Vierge. C'est là que sont les séraphins. C'est là qu'on entend les harpes d'or et les concerts des chérubins et des anges. » Et, s'animant par degrés, « Oh, mère chérie » continua-t-elle, « si tu voyais M. Raymond quand il peint ce bonheur éternel, on dirait que sa tête rayonne comme celle des saints, qu'un esprit de feu est descendu sur lui. Oh, que Dieu est grand! Que Dieu est beau, quand il est expliqué par un saint prêtre. Si tu l'entendais aussi souvent que moi, tu ne voudrais plus songer qu'à ses joies divines, auprès desquelles la terre n'est que tristesse et ténèbres. Son œil étincelait, tout son corps était frissonnant comme dans une immortelle attente. Madame Devange, stupéfaite de cette poésie pieuse qui annonçait la lucidité de l'esprit, chercha pourtant à la calmer. Elle y parvint avec peine. Louise, instinctivement blessée de l'espèce de contrainte imposée à son enthousiasme, se tint pendant quelques jours dans une réserve qui ne lui était plus habituelle. Elle parut retomber dans sa torpeur. Elle redevint distraite et préoccupée. Mais dans son regard fixe, il y avait de la rêverie, de la contemplation dans son immobilité. Son âme n'échappait à sa profonde nuit que pour planer au-delà des mondes. Elle semblait poursuivre un objet ineffable et l'appeler de toute la force de ses plus ardents désirs. Elle n'entendait plus rien de la terre. La voix des anges retentissait seule à son oreille. Madame Devange comprit ainsi le changement qu'elle remarqua et résolut de ne point gêner Louise dans la manifestation de son zèle. Loin de s'en alarmer, elle s'applaudit d'avoir trouvé dans les saints enseignements le moyen de jeter au milieu de cette triste vie quelque intérêt et quelques sensations nouvelles. Elle était heureuse de la joie que montrait sa pauvre enfant lorsqu'une visite de M. Raymond venait illuminer l'ermitage. Quand l'abbé se retirait, Louise, accompagnée de sa belle-mère, le reconduisait jusqu'au bord du chemin et ne rentrait qu'après l'avoir perdu de vue. M. Raymond était l'objet de l'entretien pendant de longues heures. Elle se rappelait avec complaisance ses moindres paroles. Ce qui avait touché était béni. Elle en fit bientôt une idole. Et pouvait-il en être autrement? Louise pouvait-elle comprendre une abstraction? Le prêtre qui lui révélait Dieu, qui lui parlait en son nom, ne devait-elle pas le confondre avec Dieu même? Madame Devange s'expliquait ainsi ce culte de tendresse et n'aurait eu garde d'en comprimer l'expression. Cette disposition expansive était, suivant elle, un heureux progrès. Le cœur de Louise, en s'échauffant, pouvait animer toute son intelligence. l'excès ne lui paraissait point à craindre. Cependant, Louis s'exaltait chaque jour davantage, passait des journées entières à l'église. Malgré la sainte régularité de sa vie, elle trouvait toujours quelque raison d'être inquiète sur la pureté de sa conscience, et l'absolution de l'abbé Raymond calmait seule son âme troublée. La durée de ses confessions se prolongeait indéfiniment, et trop souvent, il fallait que Raymond lui-même mit fin à ses longs aveux. Lorsque sa bouche, collée contre la grille, touchait presque le visage du prêtre, lorsqu'elle entendait son moindre souffle et se sentait enveloppée avec lui sous le saint abri du confessionnal qui les séparait de tout le reste du monde, elle éprouvait un bien-être intime, une sorte de ravissement qui lui ôtait le pouvoir de s'éloigner. Et quand un mot ou un mouvement du confesseur lui faisait comprendre qu'il était temps de se retirer, elle devenait éloquente pour retenir quelques instants de plus l'enivrante béatitude prête à lui échapper. Un jour que Raymond pressait la fin d'un de ses longs entretiens, « Oh mon père, s'écria-t-elle, laissez-moi près de vous, encore, encore. J'ai d'autres péchés que j'oublie. Dites, dites ce que je dois faire pour plaire à Dieu, pour mériter un jour sa présence. Oh, si vous saviez de quelle ardeur je la désire, de quel divin tressaillement tout mon corps est saisi quand vous me faites entrevoir ces joies du ciel. Combien mon âme est ravie quand votre voix lui fait entendre de saints conseils. Il me semble que l'Esprit du Seigneur lui-même descend en moi. Ces feux sacrés consument mon âme, elle a soif d'un bonheur qui n'est pas de la terre. Elle appelle les concerts des séraphins. Elle croit entendre de sublimes harmonies et se plonge dans de mystérieux délices. « ma fille !» interrompit Raymond étonné de cette exaltation. « Modérez-vous. Dieu ne veut pas que le cœur s'épuise à lui rendre hommage. La créature est trop faible pour s'abandonner à de si violents désirs que leur violence même éteindrait. » Est-ce donc péché, mon père, que d'exprimer l'amour dont on brûle pour Dieu? Non. Mais pour conserver cet amour, il le faut moins exhaler, et ne point oublier surtout que la véritable manière d'honorer Dieu et de le servir, c'est d'accomplir tout ce qu'il prescrit, et de remplir fidèlement la tâche qu'impose à chacun de nous sa position ici-bas. M'entendez-vous, ma fille? Oui, mon père, et chacune de vos paroles est recueillie par moi comme si elle venait de Dieu même. Oh, je vous écouterai toujours. C'est près de vous seul que mon cœur se pénètre des divins préceptes de l'éternelle sagesse. C'est dans votre sein que je voudrais me réfugier, comme dans le saint tabernacle de Dieu. C'est au torrent de vie qui coule de vos lèvres que mon âme voudrait s'abreuver. Oui, mon père, elle est altérée, ma bouche a soif, tout mon corps brûle. Louise, Louise! Mon père, ayez pitié de moi, restez, restez! Mais le prêtre avait entrevu l'affreuse clarté. Il avait compris que l'esprit impur tourmentait cette fille ignorante, mais il n'avait pas le pouvoir du Christ pour le chasser lui-même, hélas. Ne se sentait-il pas agité par une puissance inconnue? Quel éclair sinistre avait lui sur son âme? Le froid de la mort et tous les feux de la vie n'avaient-ils pas tour à tour passé sur son front et jusqu'à son cœur pendant cette confession étrange? Cette haleine dévorante, ces regards brûlants, ces cris d'amour d'une fille jeune et belle, et jusqu'à cette erreur qui la laissait pure dans son égarement, tout contribuait à jeter le malheureux Raymond dans un trouble plein d'effroi. La nuit approchait, et l'homme, chargé du soin de l'église, n'ayant aperçu ni entendu personne, en avait fermé les portes déjà depuis quelque temps. Une seule lampe brûlait devant l'autel de la Vierge, à quelques pas du confessionnal. Raymond, voulant échapper à ce danger qu'il ignorait et qu'il épouvante, ouvre la porte et sort du confessionnal. Mais Louise, éperdue, se jette au-devant de lui, saisit sa main. « Mon père ! S'écrie-t-elle, pourquoi me quittez-vous si tôt? Voulez-vous donc abandonner la pécheresse qui vous implore? Cette nuit qui nous environne, les peuplés d'esprit qui me font peur, ils vont me saisir, vous seul me défendez contre eux, couvrez-moi des bras du Seigneur, mon père, mon père! » Et ses mains serraient convulsivement les mains du prêtre. Elle les portait à ses lèvres et les couvrait de baisers et de larmes. Raymond se débattait sous ses convulsives étreintes. Il sentait faiblir sa force. Il appelait Dieu à son aide, et son cœur, heurtant sa poitrine, lui répondait seul. Tout son corps tremblait, comme agité d'une fièvre soudaine. Il crut qu'il allait mourir, et ses jambes fléchissant, il se jeta sur une chaise près de laquelle il se trouvait. Louise, saisie de frayeur, se pencha sur lui. Elle vit ses yeux fermés, son visage couvert d'une pâleur mortelle, et poussa un cri. Puis au même instant, elle voulut le ranimer de son souffle. Mais Raymond, sentant courir sur son front cette haleine embrasée, se releva, et son regard étincelant fit tomber Louise évanouie à ses pieds. Il la releva. Son cœur battit contre celui d'une femme, sa bouche effleura une chevelure parfumée. Pénétré de terreur, il déposa son dangereux fardeau sur le siège le plus près de lui, craignant également de demander du secours dans la situation inexplicable où il se trouvait, et d'en donner lui-même à l'imprudent enfant qui bouleversait tout son être. Bientôt il reprit possession de lui-même. Sa main osa toucher celle de Louise. L'enfant tressaillit et entr'ouvrit les yeux. Quelques mots prononcés avec douceur achevèrent de la rappeler à la vie. Au même instant, un bruit se fit entendre à la porte de l'église. La femme qui accompagnait ordinairement Mademoiselle Devanges et dont la dévotion n'était pas infatigable, était sortie dès qu'elle avait vu la jeune fille agenouillée au confessionnal. Trouvant à son retour le temple fermé, elle était allée s'enquérir auprès de celui qui en gardait les clés et le ramenait avec elle, ne doutant pas que sa jeune maîtresse ne se fût oubliée au saint tribunal de la pénitence après le départ de son confesseur. Ils parurent surpris de la présence de l'abbé, qui se plaignit vivement de l'inattention du gardien. La fatigue et l'émotion de la prière, l'inquiétude qu'il était naturel de supposer après cet incident, expliquèrent suffisamment l'indisposition de Louise. La fièvre la prit la nuit même et ne la quitta plus. Les scènes de l'église avaient laissé dans son esprit des impressions ineffaçables, et sa préoccupation ressemblait au délire. Raymond remplissait toute sa pensée. Elle le nommait sans cesse dans la veille comme dans le sommeil, et bien qu'elle ne le séparât pas encore de l'idée de Dieu et du ciel, Madame Devanges commençait à soupçonner la fatale vérité. Elle remarquait dans la jeune malade d'étonnants et rapides progrès d'intelligence et se demandait si ce développement presque soudain était la cause ou l'effet du mal de Louise, ou si cette transformation s'opérait sous l'influence d'une de ces passions implacables qui dévorent l'âme qu'elle féconde. Alors des inquiétudes la saisissaient. Elle se rappelait et s'expliquait toutes les circonstances qui avaient accompagné le changement de Louise, et en dépit de la sainte renommée de l'abbé Raymond, elle s'accusait d'imprudence. Louise demandait avec instance son confesseur. Il était difficile de lui refuser de le voir, et Madame Devanges pensa d'ailleurs que ce pourrait être une occasion de juger le prêtre à qui elle avait accordé toute sa confiance. Raymond, prévenu, se rendit avec empressement auprès de sa pénitente. Inquiet, il s'était abstenu de toute visite. Cette réserve absolue lui avait paru un devoir. Il y avait dans son maintien de la contrainte. Mais la joie vive et candide que laissa éclater Louise, Madame Devanges comprit bien que la pauvre enfant n'avait pas d'autre complice qu'un cœur qui s'ignorait lui-même, et elle ne put douter plus longtemps que ce cœur sans défense ne fût la proie d'une flamme qui ne s'éteindrait qu'en le brisant. Souffrante et abattue il n'y avait qu'un moment, Louise près de Raymond était radieuse et animée. Sa beauté était incomparable. La fièvre teignait ses joues d'un léger incarnat. Un feu céleste brillait dans ses regards. Elle les tenait attachés sur le prêtre et recueillit avidement toutes ses paroles. Puis elle le remerciait de ses consolations et le suppliait de ne pas l'abandonner. « Je ne suis rien que par vous, » lui dit-elle. « Par vous seul, j'ai connu le ciel et la vie. Je n'ai point de passé au-delà du jour où vos paroles ont ouvert mon âme. N'êtes-vous pas mon ange gardien, mon père, mon créateur? Ce n'est point assez de tout ce que je puis vous donner de tendresse et de reconnaissance pour payer de pareils bienfaits. » Elle s'adressait à Dieu pour récompenser les saints efforts de son apôtre. En vain cherchait-on à la calmer. Rien ne pouvait retenir ses paroles rapides et véhémentes. Raymond ne prolongea point une visite qui le troublait. La présence de Madame Devanges ajoutait à son embarras. Elle-même éprouvait une sorte de malaise. Tous deux craignaient de se deviner, et chacun se reposait sur sa propre prudence du soin d'éloigner Louise du danger. Après le départ de Raymond, la malade demeura fort agitée, et l'état même de sa santé lui servait de prétexte pour amener le même sujet d'entretien. Madame Devanges m'a dit souvent que rien dans les souvenirs de sa jeunesse, rien dans ses lectures ou dans les confidences reçues, ne lui avait donné l'idée de cette chaleur et de cette éloquence de la passion. Louise n'avait pas vécu de la vie ordinaire. Dans l'ignorance complète d'elle-même et des autres où elle était restée, elle ne pouvait rien avoir d'une exaltation factice, mais rien non plus d'une réserve apprise. Et d'ailleurs, cet amour qui la transformait miraculeusement, elle le sentait sans le connaître. Il se développait avec tout ce qu'il y a de généreux et d'élevé dans l'intelligence. Elle le confondait dans son admiration enthousiaste pour tout ce qui lui était nouvellement révélé, et ne cherchait point à le dissimuler. Tout à coup, la fièvre qui s'était emparée d'elle prit un caractère aigu. En peu de jours, ses forces furent épuisées. L'âme tuait le corps. Cette organisation délicate succombait sous la puissance du travail intérieur. Loïs s'aperçut aisément de l'inquiétude qu'inspirait son état. Elle sentait approcher ce moment suprême et demanda sans retard l'assistance de son confesseur et les derniers sacrements. On voulut inutilement la rassurer. Les secours de la religion pouvaient lui rendre un peu de tranquillité. Sa mère dut céder à son désir et fit appeler l'abbé Raymond. La nouvelle qu'il reçut le frappa d'épouvante et de douleur. Louise, en danger de mort. Son âme se révoltait à l'idée de voir périr, si jeune et si belle, cette fleur que ses soins avaient fait éclore. Il partit consterné, gardant toutefois un reste d'espoir et adressant au ciel ses plus ferventes prières. On le fit entrer silencieusement dans la chambre de la malade. Elle était seule et endormie. En la voyant, Raymond ne put méconnaître le terrible sceau de la mort imprimé sur ce front angélique. Son cœur se brisa, et debout, au chevet du lit, « Oh Louise, dit-il à mi-voix, belle et sainte créature, qu'ai-je fait, et pourquoi tu punis de mon orgueil? À quelle erreur t'ai-je involontairement livré? Mon Dieu, toi qui m'entends et qui me juges, tu le sais, je voulais, secouru par ta grâce, faire briller dans la nuit de cette âme quelques rayons de la lumière qui féconde et qui vivifie. Tu n'as pas béni mes efforts, et je n'ai allumé qu'une flamme qui consume. Pardonne-moi, mon Dieu, et toi, vierge élue qui retourne à la source de toute justice et de toute pureté, pardonne à celui que tu laisses pour souffrir et prier. » Elles étaient terribles, les heures que le malheureux Raymond allait passer auprès de Louise. Il les offrit à Dieu et lui demanda la force dont il avait besoin pour remplir dignement son triste et saint ministère. Madame de Vange recevait, sans le vouloir, l'aveu de ses souffrances intimes d'un cabinet voisin où elle se reposait d'une nuit passée près de la malade. Par respect pour le prêtre infortuné qu'elle plaignait, elle se retira sans bruit. Plus tard, dans des confidences mutuelles, Raymond sut ce qu'avait appris Madame de Vange et ne lui laissa rien ignorer de ce que son cœur de mère pouvait souhaiter de savoir. Comme elle rentrait dans la chambre, Louise ouvrit les yeux et ses regards éteints se ranimèrent pour remercier Raymond. Après une heure consacrée au recueillement et à la prière, la pieuse fille se confessa et reçut la communion. Raymond l'exhortait à la soumission, mais la mort, en approchant, achevait d'éclairer la pauvre Louise. Ce n'était plus l'heure désirée de la délivrance de son âme, mais l'heure fatale d'une séparation sans retour. Les exhortations de Raymond, loin de la fortifier, la pénétrèrent d'attendrissement. Elle suffoquait. Des larmes rares coulaient sur ses joues amaigries. Un accablement profond succéda bientôt à ce spasme nerveux. Puis, elle voulut qu'on achevât la triste cérémonie. Raymond prie et rassemble ses forces. Enfin, d'une voix assurée, il prononce les paroles sacramentelles. D'une main ferme, il promène sur les yeux, sur les lèvres, sur la poitrine de la jeune fille, l'huile sainte qui doit purifier son âme. Mais Louise mourante a frémi sous ses onctions saintes. Raymond ne lui confère pas la grâce. Il ranime la lutte entre la vie et la mort, entre l'amour et la foi. Après tant de courageux efforts, comme il achevait sa tâche douloureuse, une larme brûlante qu'il ne put retenir tomba sur la main déjà presque froide de Louise. Elle tressaillit et se souleva à demi comme par l'effet d'une commotion électrique. Ses yeux se fixèrent ardemment sur ceux de Raymond, puis retombant aussitôt. « Mon Dieu, » dit-elle d'une voix éteinte et qu'on entendit à peine, « sauvez-moi, je n'ai de refuge qu'entre vos bras. » Et son âme, qui ne s'était reconnue que pour aimer un instant sur la terre, s'envola pour aimer le ciel. Ainsi s'achève « L'idiote » par Judith Cauchois-Lemaire.